Bonjour à tous, c'est Vrino Micro sur RQC 95 FM, Jimmy à la technique. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Culture et Dépendance. Cette émission proposée et animée par l'équipe du Centre culturel Moucronois tentera de capter votre attention pendant les deux heures à venir et ce sera chose aisée à mon avis aujourd'hui. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente année 2018. Au programme de Culture et Dépendance, un invité d'honneur qui cartonne sur scène, à la radio, sur le petit écran. Nous avons l'immense bonheur de recevoir dans les studios de RQC l'imitateur moucronois Fabien Lecastel. Dans son coin des Assoc, Sully a rencontré le président de la Croix-Rouge, Jacques Deroc. Il sera évidemment question de cinéma avec Jean-Pierre Dujardin et vous retrouverez également la rubrique Bibliothèque de Maude ainsi que l'édito du Dirlo. Vous l'aurez compris, un programme plein d'humour, de solidarité, le tout enrobé de bonne musique. Vous êtes sur RQC 95 FM, ne zappez surtout pas. Quand U2 sort un nouvel album, ça donne ça. Alors pour cette première émission 2018, je vous le disais, nous avons la chance d'accueillir dans les studios de RQC l'humoriste de talent et de surcroît moucronois Fabien Lecastel. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être des nôtres malgré un agenda bien chargé. Ouais, en ce moment, ouais. Alors Christian Debarre en dresse un bref portrait. Qui ça? Oui, Christian Debarre. Je ne connais, certains... pas. Non, je ne connais pas ce monsieur. Ah mince, ah oui d'accord. Bah, je non, pas mince justement, non. C'est bien celui dont je peins. Mais voilà, on adresse un petit coucou au patron. Hein. Alors, il dresse donc de vous un bref portrait en direct de Molène en Bretagne, où la tempête fait encore rage. Fabien Le Castel, on pourrait dire beaucoup de choses. En somme, en fait, je pourrais le dire en imitant Johnny Hallyday, ou Charles Aznavour, ou le Premier ministre, ou le pape, le... problème, c'est un petit problème, mais enfin, c'en est un quand même, c'est que je suis franchement nul en imitation. Donc voilà, que dire de Fabien Le Castel ? On pourrait dire bien des choses, hein, on pourrait donner son vrai nom, ça en ferait rire quelques-uns, mais c'est un nom imprononçable, donc je ne peux pas faire décemment ici. Bon, que son QG est à l'appel d'essence, mais ça, tout le monde le sait, tout le monde connaît son amour pour Marie-Hélène. Qu'il a un compte en banque à Tahiti depuis qu'il... Tu ne vas pas le dire, je plaisantais. Bon, bah, disons simplement que c'est un garçon brillant, travailleur. Comme disait l'autre, celui qui doute travaille plus que les autres. Eh bien, je peux vous dire qu'il travaille beaucoup, parce que c'est un garçon qui doute beaucoup, qui remet son ouvrage sur le métier régulièrement. On peut dire aussi que c'est un chic type, je le connais bien. C'est un des meilleurs amis de ma fille, et pour supporter ma fille, il faut une patience. Non, je replaisante aussi. Non, mais c'est un chic type, c'est ce qu'on appellerait... Comment dirais-je ? C'est ce qu'on appellerait au temps de Molière ou quoi, une belle personne. Voilà, c'est une belle personne aimable, dans le premier sens du terme. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je l'aime beaucoup. Je t'embrasse, Fabien. Oh, c'est magnifique, une petite larme. Ah ouais, ça me touche. Quand même. Je retire tout ce que j'ai pu dire avant. Donc, cet inconnu qui ne vous connaît pas, adresser un beau portrait de vous, apparemment. Ouais. Ouais. Bah, j'aime beaucoup Christian en plus. Ah, d'accord. Ouais. Ah, finalement, ça vous revient. Oui, mais oui, je vois que. Oui, mais oui, ouais, je bah, oui. Oui, bah, mais je... c'était pas évident. Hein. Ouais, bah, non, bien sûr. Non. En plus, il y a un deuxième Christian Debarre à Moucron, il y en a deux. Oui, c'est vrai. On reçoit parfois du courrier pour ce monsieur. Donc, alors, rappelez-vous de ce fameux mariage. On y va. Allons-y. Sérieux. Hein. Rappelez-vous de ce fameux mariage donc, unissant Thierry Leluron et Coluche un beau jour de septembre 1985, célébrant ainsi l'union de l'imitation et de l'humour cinglant. Et si cette union avait engendré une progéniture, il ne s'agit certainement là que d'une coïncidence, mais 9 mois et demi plus tard, naquit Fabien Le Castel. Et quelle ne fut pas la surprise d'entendre sa première imitation, celle du Christ trident du bébé, ou de Christophe Mallet, c'est selon. Voilà comment commence votre biographie sur votre site. Le ton est donné. Oui, il faut que je change d'attaché de presse. Oui, parce que c'est un peu ringard. Non, si je puis me permettre. Non. Non, c'est sympa. Mais il s'est trouvé que... C'est une idée de moi, à la base. Non, mais c'est bien fait. Hein. Le mariage de Leluron et de Coluche, c'était 9 mois avant ma naissance. Je me suis dit, tiens, on va sauter sur l'occasion. Et non, en fait non. Vous êtes le fils spirituel de Thierry Leluron. Ça vous revendiquez quand même totalement. Non, pas vraiment. Non, je veux dire mes pères spirituels sont plutôt mes pères spiritueux et sont à Moucron, donc voilà. D'accord, ok. C'est un peu ceux qui m'inspirent le plus. Donc je continue à parler parce qu'apparemment il y a un problème technique. Non, donc je continue. Pas du tout, et donc mesdames et messieurs aujourd'hui sur RQC. Oui, RQC que vous connaissez bien d'ailleurs, hein, pour avoir déjà sévi sur les ondes. À partir du moment où il y a un gros cul, moi je viens. Merci. Je parlais du cul de RQC, voilà, c'est évidemment. C'est vrai qu'on se connaissait pas, donc voilà. Ouais. Puis tu es assise, donc je ne sais pas. Mais non, reste assise. Mais oui, oui. J'ai été assez régulièrement dans l'émission 80 à l'heure. Ah voilà. Il y a quelques années, c'était toujours un plaisir. On se marrait beaucoup. C'est ça. Voilà. Déjà comme chroniqueur. Même pour, déjà, pour des Français, ils étaient sympas, quoi. Ah ouais. Ouais, quand même, il fallait le faire. Hein. Ouais. Ouais. Alors, comment devient-on imitateur ? Quand avez-vous découvert avoir des prédispositions, on appelle ça Eh bien, en fait, ça, c'est quand on manque cruellement de personnalité, on fait celle des autres. Voilà. Non, en fait, c'est né à l'école où je commençais à imiter mes professeurs. Dont Monsieur Terrain, au collège Sainte-Marie. Le prof de maths Non, mais j'ai fini. Non mais t'as réfléchi toute la nuit pour être con ? Non mais oh hey. C'est Luc donc... ou Noël ? Excusez-moi, là, j'ai pas... J'ai Noël. Noël, bien sûr. Noël. Ouais, okay. Oui. Non mais si tu veux jouer au con, je vais gagner. Hein. Il nous faisait beaucoup rire. donnait un côté très autoritaire alors qu'il ne l'était pas du tout. Non. Et puis après, moi j'adorais chanter, donc j'ai toujours aimé la chanson. Mm-hmm. Et j'avais tendance, lorsque j'allais chanter des karaokés, de prendre la voix du chanteur original sans vraiment chercher. Mais c'était une déformation qui est devenue professionnelle après. Et on me disait, tiens, tu fais bien un tel. Et puis après, bon, on m'a proposé... Enfin non, il y a eu un truc entre les deux, mais ça je vais pas le dire que j'ai fait Mister Moucron, ça je vais pas le dire. Ah c'est dingue. Et alors? Et alors bah, j'ai gagné en slip de bain. Non, voilà. c'est vrai, bien sûr. Waouh, j'ai raté ça. Ouais, c'est il y a 20 kilos hein. Ouais. Il y a 20 kilos. Il y a 20 kilos. Ouais, mais je peux dire 10 maintenant en plus. Ouais, mais. Ouais, il me semblait bien. Mais c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier de la scène. Il y avait Laurent Arduin qui était dans l'organisation avec ses parents. On va tout dire, sinon il y a toutes mes questions qui défilent. Ah oui, pardon. Bah oui. Ah ben ouais, mais tu me demandes de parler, moi je parle. Un peu de rigueur, s'il vous plaît. Je peux faire ça avec une autre voix, si tu veux. Voilà, bah ouais. Alors, une question de madame... j'ai oublié ton prénom, d'ailleurs. Séverine, c'est pas grave. Séverine, j'allais dire Nadine. Ouais. Donc alors, Francis, la scène du Staquet, vous l'avez foulée dès votre plus jeune âge, avec la classe de théâtre, je crois. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Je cherchais un Francis à imiter, mais j'en ai pas. Bah, Cabrel, non. Non, il n'y en a pas. Oh putain, j'ai oublié. Putain, ouais, c'est vrai. Non. Oui, exactement, avec Marie-Hélène, il en parlait d'ailleurs. Oui. Ouais. Il parlait de Marie-Hélène. Donc la scène, déjà, à l'époque, c'était une évidence. C'était... Ou une thérapie. Ouais, une thérapie. Ouais. Une thérapie. Mais c'est vrai que j'ai toujours été assez à l'aise sur scène et j'aimais bien. J'aimais bien entendre les rires des gens, entendre les réactions. Ouais, donc c'est bon, ça. Ouais. Le vrai pied à l'étrier, c'est Marie-Hélène Vindevogel qui me l'a transmis. Ouais. Ah bah bravo. Ouais. Bah nous aussi, en fait. Hein. On lui doit tout. Hein. Alors, en 2008, le concours amateur jeunes talents, organisé par la maison de jeunes La Frégate. Ouais. Vous avez quel âge à l'époque? 17 22. 22, d'accord. Et donc, initialement inscrit dans la catégorie chant, vous décidez de vous lancer et d'écrire un sketch. Mais oui, on me dit, tiens, en chant, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Par contre, en art de la scène, on manque des gens. Est-ce que... toi, tu fais de l'imitation. Pourquoi tu ne ferais pas des sketchs d'imitation? Même chant. Ça reste de l'art de la scène puisque c'est autre chose. Bien sûr. Donc je dis bon ben voilà, je vais faire art de la scène. Vous vous souvenez de ce sketch? Ouais. Plus ou moins. Oui. Ça donnait quoi? Je me rappelle qu'il y avait un medley sur l'alcool avec Johnny, Raphaël, Obispo. Ah oui, il y a du monde. Hein, c'est vrai que... et un sketch parlé avec Michel Dardenne. Ouh. Oui, qui était là et qui disait qu'il y a une grande différence entre eux. J'ai oublié mon texte, mais ça fait il y a 10 ans, elle a dit. Bien sûr, ouais. C'est qu'il y a une grande différence entre la bière et papa. C'est que la bière, elle existe sans alcool, hein. Papa. Ouais, ça, c'est... Donc, à l'époque, défi réussi, hein, vous remportez le concours. Oui. Avec à la clé, quand même, un truc incroyable. Enfin, j'imagine, à l'époque. 500 euros. Non, je parlais plutôt. Ah non. Ouais, 500 euros. Ouais, à l'époque, ça devait être sympa quand même. Alors, encore maintenant, partie... c'est sympa. Hein. Oui. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah mais non, mais c'est gratuit ici. Hein, vous savez, hein, c'est une radio indépendante. On revendique et puis sans publicité, donc forcément. Bien raison. Alors, vous avez la première partie d'un artiste confirmé lors de la première saison humoristique de Fou Rire Garanti. Exactement. Et c'était qui à l'époque alors? Mais en fait, à la base, c'était Marc Herman. Ah ouais. Mais j'avais des pétoches. Donc j'appelle Laurent 2 semaines avant. Je dis non, j'ai rien, je vais pas le faire. Ah oui. Et il m'a donné des coups de pied au cul. Il m'a dit tant pis. Mais dis, tu feras le prochain. T'as un mois de plus. Wow. Et donc j'ai fait Elliot, du coup, qui était beaucoup moins connu. Ouais. Uh-huh. Et qui en fait est merveilleux et qui maintenant à l'Académie française. C'est ça, etc. Oui, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et comment on se sent là justement, à ce moment-là, c'était votre première grande scène, enfin devant un public qui avait payé pour vous. Ouais, enfin ils ont payé pour Elliot surtout, oui, mais, oui. mais oui, c'était. Mais j'ai eu la chance justement, je pense, de le faire avec Elliot plutôt que Marc Herman. Ouais. Plus conciliant. Si Marc Herman est très sympathique, mais Elliot était vraiment adorable, m'a mis en confiance, extrême gentillesse, donc voilà, ça m'a mis en confiance. Et ça s'est bien passé, apparemment. Ça s'est très bien passé, oui, bien sûr. Bon, maintenant, il y avait un morceau de sketch que j'avais déjà fait dans Les Jeunes Talents, donc Donc j'étais un peu confiant, quoi. Je me disais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais, voilà, ouais. On va le remettre. Ouais, ouais. Mais alors, ce qui est incroyable dans ce concours, c'est que il y a plusieurs artistes, des jeunes artistes, etc., qui ont proposé des choses qu'ils avaient déjà fait, qui connaissaient par cœur, des tours de magie, chanter une chanson. Et moi, c'était un truc que j'avais écrit et que je savais pas ce que ça donnait sur un public. Bien sûr, voilà, il n'y avait pas de retour. Donc j'étais moins stressé à la deuxième, ça c'est certain. D'accord. Et comme je disais, il y a des rencontres qui comptent dans la vie d'un artiste. Celle avec Laurent Arduin, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui. Laurent, c'est... Mais en fait, j'ai commencé à faire cet art-là, je ne vais pas dire ce métier parce que ce n'était pas encore mon métier. Mais vous faisiez quoi avant, sans indiscrétion Je vais d'abord terminer cette question-là. D'accord, ok. En espérant que, tu oublies celle-là. Ah, d'accord. Mais, ok. Donc, Laurent a commencé son ASBL, Fou Rire Garanti, il y a bientôt 10 ans, donc comme moi, avec les jeunes talents et la scène. Donc on a évolué ensemble, j'ai fait toutes les années des premières parties, après je suis venu en vedette, et normalement, pour mes 10 ans, je l'ai faite au Staquet, et c'est normalement lui qui va organiser, donc voilà. Génial. On n'oublie pas ceux qui ont... Non, à tes débuts, quoi. Non. Tant qu'il paye, moi, ça va. Hein. Ouais, voilà. Il paye bien. Non. Oui, j'imagine. Ouais. Non, pardon. Non. D'ailleurs, tu dois encore payer une petite facture du CCM. Mais bon. Alors, la sixième saison de Fou Rire Garanti, comme vous le disiez, comme tu le disais, je vais y arriver. Hein. Tu fais l'affiche, en fait. Non, je préfère que tu me vouvoies, en fait. D'accord. Ouais. Alors, vous faites l'affiche. Mais non, tu peux voir. Moi, je suis comme ça. Hein. Je suis docile. Donc, aux côtés de Jean-Marie Bigard... Eh bien, j'aimerais beaucoup... Non, ça ne marchera pas. Non. Et je suis assise, hein. Tu ne m'as jamais vu debout. Hein. Donc, Jean-Marie Bigard, François-Xavier de Maison... Ouais, c'est moi. C'est Jean-Marie. J'ai fait... on était dans la même saison, tu vois. Bon, faut pas me lancer sur des voies aussi, hein. Moi, j'y vais, tu vois. C'est un petit peu le but du jeu, on va dire. Ah, d'accord. François-Xavier de Maison, je fais pas parce que je fais que les gens connus, tu vois. Et Anthony Cavana. Voilà, ça c'est plus compliqué. Hein, ça y est, vraiment tellement qu'on s'est garou. C'est garou en fait, c'est garou. Donc c'est pas rien. On ressent quoi à ce moment-là? Une grande fierté, une peur panique Oui. Oui. En fait, je les ai pas côtoyés finalement. Non, on était dans la même saison. Par contre, sur la même affiche. Ouais. J'étais dans un gala avec. Mais là, c'est le plus gros gala que j'ai pu faire, c'était à Charleroi, c'était un gala de François Pirette, du Rire sur la Ville. Ouais. Et il y avait Chevalier Las Palès, Jean-Marie Bigard, Chantal Latsou, Jarry, Boujna. Il y avait que du lourd sur ce plateau. Je pense que j'en ai encore oublié des... Mais bon, j'ai oublié. Oui, il y avait Michel Drucker qui présentait. C'était la folie, ce truc, c'était dingue. Et voilà, il fallait assumer derrière. Hein, ouais, c'est sûr. Et Bigard, il était super sympa. Hein. À partir du moment où tu parles de lui, il est adorable. Hein, il est super gentil, tu vois. Un peu narcissique, on va dire. Non, nombriliste, c'est pas pareil. Hein, Ok. Donc là, c'est parti pour vous, on peut dire. Hein, vous écumez les festivals. Les festivals dans toute la francophonie. Et tu savais ce que j'écume? Oui, voilà. J'en ai des salés de la morue, hein. Je m'y attendais pas, celle-là. Alors, vous êtes publicité par le public, les jurys professionnels et par la presse. Et par la presse, oui. Ouais. Une reconnaissance que j'aime un peu moins maintenant. Métier. Ouais. Et, qu'est-ce qui se passe? Oh, la presse. En fait, trop people, en fait. Hein. Mais, ouais, la presse, tu leur envoies un dossier en disant que tu vas faire un nouveau spectacle, que ça va être génial, etc. Et ils font quatre lignes, quand ils font. Par contre, tu dis que tu pars... ils voient sur Facebook qu'on t'a volé ta voiture ou que t'as une nouvelle copine ou que tu parles à Tahiti... Ou que t'as fait une gastro. Ouais, ils font deux pages, quoi. Ouais, donc ça, c'est la presse. Ça fait vendre du papier. Mm-hmm. Bon, quand t'as une gastro, c'est bien. Donc je me suis dit, pour la promo de mon nouveau spectacle, je vais faire une gastro, dire que je suis homosexuel. Ah oui, le coming out, et que je vais me marier. Ouais, un coming out, ça va bien marcher. Ça marche bien. Bon, alors si on s'offrait une petite pause musicale, hein, la première. Bah, parce pourquoi que... On était bien là. Non, bah, écoute, non. C'est la musique que j'ai choisie. Bah, évidemment, hein, c'est le premier titre choisi par notre invité. C'est aussi l'intro d'une émission mythique, hein, si je ne m'abuse. Mais évidemment, de quoi tu parles. Je sais plus ce que j'ai demandé. Ah, mais c'est vrai. Ah bah, il faut deviner. Non, non, c'est John Mice, musique. Ah oui. Musique, musique. Et alors, pourquoi? Mais parce que c'est bien, hein, cette chanson me donne des frissons. Ah. À la fin, quand ça monte, là, ça commence tout doucement. On va couper le chauffage. Et puis, boum, ouais, ça colle. Ça part en vrille. Et puis, ça parle de musique. Voilà. Et, ouais. C'est un peu ma vie, la musique. C'est magnifique. À tout à l'heure, Fabien. À demain. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world troubles, my music pulls me through. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past. suis déçu, c'était même pas la version live. Oh ben mince alors. Non, elle est géniale cette chanson. Elle dure déjà 5 minutes 52, c'est bon. J'ai pris les chansons les plus longues, oui, pour devoir parler bien, le moins possible. C'est bien, c'est sympa. J'ai remarqué. Alors, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, vous écoutez l'émission Culture et Dépendance et nous sommes toujours en compagnie de l'humoriste ou imitateur. Qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce que tu préfères, Fabien Le Castel ? Humoriste, imitateur, c'est très bien. Les deux. Ouais, humoriste, les deux. Imitateur, chômeur, voilà, c'est parfait. D'accord. Alors, combien de voix compte actuellement ton répertoire ? Enfin, Entre 150, 160, ah ouais, un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors, y a-t-il une voix dont tu es particulièrement fier ? Mais on me le dit souvent, c'est ouais. Johnny ouais. Quand il chante. Mais j'aime bien mais Florent Pagny, parce que je l'ai jamais entendu ailleurs. Allez, ouais. Ouais, ça donne quoi? D'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière en vouloir puis se taire. Merci. C'est super impressionnant. Garou, j'aime beaucoup Garou. Mais il faut aussi déjà savoir vraiment chanter pour être imitateur finalement. C'est ça la base. Ça dépend. Ça dépend si ouais. On peut être imitateur que de voix parlée. Ouais, mais c'est rare. J'ai commencé quoi, plutôt dans la. Ben, Marc-Antoine Lebret ne chante pas par exemple. Ah oui. Oui. Voilà, il est très bon dans plein d'accord. De nouvelles voix. Que mais il est très mauvais chanteur. oui, il le dit lui-même. Hein, donc voilà, chacun a sa particularité. Est-ce qu'il y a une voix qui t'a donné du fil à retordre? Eh bien, Raymond Devos. Parce que je voulais absolument avoir Raymond Devos. Ah ouais. Et j'ai travaillé. Et je ne l'ai pas eu. Et un jour, j'ai eu un déclic. Mais bêtement, j'ai eu un déclic. Et puis là, mesdames et messieurs, maintenant je parviens à le faire, voyez-vous. Ah oh, oui, carrément. Parce que moi, en tant que moucronois, ayant joué dans la salle Raymond Devos, je me suis dit, il faut absolument que je l'aie. Hein, parce que je suis Picard. Et je me suis dit, le Picard, c'est sûr, je l'ai. Ah, c'est dingue, avec les yeux. Personne ne l'a, celle-là. Ouais, non, c'est le Picard, c'est sûr, je l'ai. Ah oui. Oh là là. Merde. Ouais, bah écoute. Mais quand je vais commencer à raconter mes blagues, ça ne va plus. Et comment tu fais, en fait? Comment tu chopes les voix, des nouvelles voix? Tu les observes? Tu t'observes leur mimique, la posture des victimes, alors, on va dire? J'ai un défaut, c'est que j'écoute une radio. Et qui est une radio sur laquelle on n'entend que les vieux trucs. Ouais. Donc je ne suis pas assez à la page. Donc j'essaie de me mettre un peu à la page, mais je n'aime pas forcément ce qui se passe maintenant. Moi j'écoute Classique 21, donc voilà. C'est... Ouais. Et RQC évidemment, quand je suis à Moucron. Mais bon. Fallait pas tousser après. Non, mais je sais. Non, mais pour capter RQC, oui. T'es obligé d'être dans un rayon de. Ah non, ça c'est faux. De 200 mètres. Tu peux aller en France. De... Ben oui, je sais. Je sais. Mais donc là, je. Ouais. Quand j'aime quelqu'un, c'est plus facile, voilà. Oui, là, j'ai entendu Vianney faire un truc que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai travaillé Vianney. Il y a une chanson de soprano qui m'a touché, donc du coup, je fais soprano. Le clown, non ? Oui, exactement. Ah oui, ouais. Bah, oui, moi aussi, au mois de décembre. On a un point commun. Mais en fait, au mois de décembre, j'ai dû monter sur scène après le décès de ma maman. Mm-hmm. Donc du coup, j'ai dû remettre mon nez rouge, et donc cette chanson m'a touché particulièrement. Mm-hmm. Pardon ? Non, en fait, non, ça. Mais vaut mieux. En mais vrai, oui, hein. Oui, bien sûr. Mais donc voilà, mais je travaille surtout en et écoutant. Sur vidéo ou sur. Non, c'est, ah, c'est l'écoute, à l'écoute. L'écoute. Et après, ouais. Une fois que j'ai chopé la voix, là, je travaille peut-être un peu sur vidéo pour voir un peu les mimiques. Parfois par contrainte aussi. C'est parfois Jérôme de Warzé qui m'appelle, qui me dit « Ah, demain à la radio, tu fais un tel. » Je ne sais pas le faire. Je dis, bah, t'as 24 heures. Je travaille. Non, pas 24 heures. Non, il me demande ça à 20 heures pour 8h15 le lendemain.